pareille à des fleurs. Son corps était une harmonie dont chaque note, miraculeusement juste, se trouvait en accord exact avec chacune des autres et avec toutes. Les instants se suivent, ne se ressemblent pas, on n'apprend pas à pas. Une main pour Sève, l'autre pour Lucas, que me reste-t-il pour toi? Je n'y croyais plus. Je n'avais pas vu qu'il me restait mes bras. Maintenant je le sais, tu as tout renversé. Bienvenue chez toi. Et là, caché dans ton regard, ton amour se voit. Il fait trembler ma voix. Pourquoi ai-je cru au hasard? T'es bien fait pour ça. Être le père d'Eléa. Noctambule et sereine, débarque comme une reine, attendu comme un roi. Tant d'années que j'en rêve, il n'y eut jamais de trêve, si peut-être une fois. Ce prénom qu'on te donne, sais-tu comme il résonne quand il vient de ma voix? Mage, magie de ton image, un abracadabra. Et là, caché dans ton regard, ton amour se voit. Trembler ma voix. Pourquoi ai-je cru au hasard? J'étais bien fait pour ça. Être le père des. être triste, digne de toi. Mes paroles s'intimident, la crainte de sembler vide dans l'oreille d'Eléa. Alors que ce soit dit, cette fois, cette envie, que je parle de toi. Cette fois, c'est pour la vie, et non dans un écrit, que je t'ai près de moi. Tu étais merveilleusement, incroyablement, inimaginablement belle.